Vous écoutez L'Heure internationale, une émission qui traite d'actualités nationales et internationales durant 60 minutes chaque semaine sur les ondes de C'est fou, la radio du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'émission est produite et animée par le Comité de solidarité Trois-Rivières, qui est un organisme de coopération internationale qui œuvre en Mauricie depuis 1973 et qui poursuit des idéaux d'un monde plus juste, plus équitable, affranchi des dominations politique, économique et militaire. Alors, cette semaine, on est au lendemain du dépôt du budget fédéral, un budget en fait qui ne sera jamais adopté, probablement, car selon toute vraisemblance, les trois chefs des partis d'opposition ont déjà annoncé qu'ils voteraient contre ce budget. Alors, tout cela et bien plus dans la prochaine heure. On débute avec un tour du monde. François Landry, notre chroniqueur. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Alors, on fait un petit tour d'actualité nationale, internationale. Il y a beaucoup de choses justement à cause du dépôt du budget et même plus que ça. Oui, on va parler du budget en deuxième partie de la chronique parce qu'il y a évidemment des élections fédérales amènent une nouvelle façon de faire lorsqu'un gouvernement se fait réélire. Est-ce que la mission en Afghanistan va se perturber? Est-ce que la situation en Libye va se résorber pendant la campagne ou va-t-elle s'amplifier? Quel sera le rôle du Canada et de ces fameux CF-18 en Libye, pardon, ou lapsus ici. Donc, on verra dans la deuxième partie, mais pour l'instant, on va faire justement un récapitulatif de la semaine des gros événements. Là, ça brasse, j'ai devant moi, tu peux constater, beaucoup de journaux qui parlent de chaque situation dans chaque pays. On va commencer par la Libye parce que c'est le territoire le plus dangereux à part le Japon, mais le Japon pour d'autres... une autre situation totalement différente. En Libye, il y a eu une intervention militaire de l'Occident. Donc, on sait que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, pour ne nommer que ceux-là, surtout le Canada, oublions pas le Canada, le Qatar aussi, et bon, eux autres, là, ont décidé d'intervenir militairement, du moins par la voie des airs, contre le régime de Kadhafi. C'est une résolution adoptée à l'ONU, la résolution 1973, qui dit qu'on veut un espace aérien l'exclusion d'un espace aérien, je cherchais le mot, pardon. Donc, c'est fait. Maintenant, le Canada est passé aux actes. Des avions militaires CF-18 sont partis en Libye, 6 avions. Il y a 300 militaires canadiens aussi qui ont été déployés en Italie, donc au nord total de la Libye. Séparés par la Méditerranée, évidemment, mais leur base de ravitaillement est située là-bas. Donc, intervention quotidienne des avions militaires canadiens-américains. Et maintenant, à savoir, l'ONU, eux, veulent avoir une mission humanitaire, donc sauver les civils de l'oppression Kadhafi. Mais les États-Unis sont assez frileux avec cette position-là, malgré qu'ils la défendent, qu'ils ont voté pour. Ils préféraient que ce soit une opération militaire digne de ce nom, donc que l'OTAN veuille qu'interviennent, donc que ce ne soit plus les Américains qui interviennent, mais l'OTAN. Parce qu'on sait qu'un militaire mort, un militaire américain meurt, c'est mieux de dire que c'est un militaire de l'OTAN que d'Américain. Donc, ce n'est pas un boy de chez nous, c'est un boy de l'OTAN. Donc, c'est une façade de fantoche du rôle de l'armée. Donc, oui, Paris, Washington et Londres veulent que l'OTAN intervienne. Et on notait dans le Devoir de ce matin, dans l'édition de ce matin, que les trois dirigeants ont convenu d'une alliance avec l'OTAN, justement, pour que ils interviennent, mais que la direction politique demeure aux mains de l'ONU. Donc, on aurait une intervention bicéphale. L'ONU politique, côté diplomatique, et l'OTAN côté gros muscle enragé avec ses bombes. Bien, ça confirme ce qu'on parle souvent, en fait, que l'OTAN est en train de devenir le bras musclé, en fait, le bras armé de l'ONU. Et bien, cette résolution-là, ça s'inscrit un peu dans cette dynamique-là. Là. Exactement. Donc, on prétexte que l'OTAN est beaucoup plus mieux outillée que l'ONU pour faire face à ce genre de situation, de par son organisation structurelle, militaro-industrielle et interventionniste. Donc, ça restera à voir si l'OTAN réellement va intervenir. Mais d'ailleurs, sur le cas de la Libye, il y a le collectif Échec à la guerre. C'est un collectif en fait qui regroupe là, je ne sais pas combien d'organismes, mais beaucoup d'organismes pacifistes en fait au Québec. Les grandes marches qu'on a connues contre la guerre, l'intervention en Irak en 2006, c'était beaucoup 2006-2003 pardon. C'était vraiment c'est eux un peu qui étaient à l'origine de ça. Et le mouvement est né à peu près dans ces mobilisations là et existe toujours, fait encore des mobilisations sur l'Irak, sur l'achat des F-35, sur plusieurs sujets. Et hier, en fait, ils ont émis un communiqué de presse pour prendre position sur le cas de la Libye. Et ils dénoncent, en fait, la participation du Canada et même dénoncent complètement l'intervention occidentale, si on veut, ou internationale, du moins, en Libye. Sous le prétexte, en fait, à la base, l'argumentaire d'échec à la guerre, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'existe pas vraiment de mission militaire humanitaire. C'est une création littéraire, ça fonctionne pas. Parce que toute intervention militaire va nuire en premier lieu aux civils. Alors, selon échec à la guerre, c'est complètement faux lorsqu'on invoque l'argument de « on veut protéger les civils, donc il faut envoyer l'armée en Libye ». La seule chose qu'une intervention militaire va faire, avec à coup de missiles, à coup d'intervention, même si on déportait des troupes physiquement sur le terrain, des tanks, etc., ça va créer probablement plus de morts civiles qu'il y en aurait eu dans tous les cas. Donc, la mission humanitaire pour protéger les civils, et on l'a vu en Afghanistan, en Irak, ça ne protège pas les civils. Au contraire, les nombres de civils meurent augmentent d'une manière assez élevée. Donc, pour ces raisons, échec à la guerre dénonce cette intervention-là. Et même plus loin, en fait, parce que ce qu'ils écrivent dans leur communiqué, c'est que comment on peut se fier à la bonne volonté des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui jusqu'à hier appuyait un régime comme Kadhafi, qui était une dictature. C'est pas nouveau, c'est pas depuis hier qu'il est devenu une dictature. Même avant ça, il appuyait Ben Ali, il appuyait Moubarak, il appuyait tous les autres. Et même présentement, dans des places comme au Yémen, où il y a encore de la répression qui se fait dans le sang, dans les rues, etc., les États-Unis, la France, le Canada appuient ces dictateurs-là. Donc, selon échec à la guerre, et je trouve que ça a du bon sens, ça n'a aucune légitimité de dire dans ce cas-là, on intervient vraiment pour les civils, vraiment pour la démocratie, alors que dans le cas, c'était Ben Ali, on avait bien ri, la France, qui au début des mobilisations en Tunisie, avait proposé son aide pour venir mater la foule. Donc, en quoi maintenant la France est crédible pour aller émanciper le peuple libyen? Donc, c'est une intervention qui risque d'être coûteuse, qui risque de créer plus de pertes civiles et de dégâts, finalement, que ça n'aura résolu. Et la solution à la crise libyenne, comme aux autres crises dans les autres pays, passe directement par le peuple et non pas par une intervention militaire d'une puissance étrangère, sauveteur ou je ne sais quoi. D'ailleurs, tu soulignes un point, une libération de par le peuple. Hier, j'ai vu dans une agence de presse une magnifique photo. Faudrait que tu la mettes sur le site de ton groupe. Il y avait des Libyens montés sur un immeuble avec un gros drapeau, une effigie marquée en anglais dessus. La révolution libyenne ne se fera que par le peuple libyen. Tout autre, les outsiders, les étrangers, restez chez vous. On est assez grands pour s'occuper de nous-mêmes. J'ai trouvé ça résume un peu la pancarte, mais j'ai trouvé ça très beau en disant de quel droit les Américains, les Français, les Anglais ont le droit d'intervenir en Libye alors qu'ils, comme tu le soulignais, appuyaient Kadhafi de par les 40 dernières années. De quel droit, tout à coup, ils veulent intervenir pour le bien du peuple. Oui, au moment où ils appuient encore d'autres dictateurs. Pourquoi on choisit Kadhafi à ce moment-là? Il y en a plusieurs autres et on les appuie. On continue à les financer. On fait des déclarations, on leur serre la main. Alors, non, c'est pas sérieux. Mais vous pourrez voir la photo dont François parle sur heureinternationale.wordpress.com où vous trouverez aussi toutes les balados de diffusion de nos émissions d'Heure internationale. Oui, donc on poursuit toujours avec la Libye. C'est François Brousseau, chroniqueur politique, géopolitique au Devoir, qui lundi mettait son commentaire, son éditorial intitulé « Intervention à haut risque ». Il fait un parallèle entre l'intervention militaire en Irak en 2003, jusqu'à aujourd'hui encore, et l'intervention militaire en Libye, à savoir Saddam Hussein, c'est un être sanglant. Muammar Kadhafi, c'est un maître, aussi un dirigeant très sanglant. Peut-être Saddam Hussein beaucoup plus que Kadhafi. Il restera à voir lorsque les archives seront déclassifiées, qu'est-ce qu'il en sera. Mais Brousseau soulève quand même la question à savoir, en Irak, quand il y a eu une intervention militaire, le peuple était désarmé et même le régime gouvernemental était désarmé. Ce n'est pas le cas présentement en Libye. Le peuple est désarmé, oui, mais le gouvernement, c'est une puissance militaire. Non seulement en termes de balles d'obus, mais en termes de missiles chimiques, biologiques. Ils ont des installations biologiques en Libye, du mal reconnu et même divulguées par Kadhafi lui-même. Et il l'a dit, Kadhafi, si mon peuple, la révolution ne se résorbe pas, je n'aurai pas de crainte à ouvrir les vannes de mes, réservoir bactériologique pour mater la révolution. Il l'a dit très clairement. Donc, intervention militaire sur le sol pourrait aggraver la situation. Et c'est ce que François Brousseau souligne ici. Il souligne aussi la fragile entente d'intervention militaire. Du fait, oui, l'Occident intervient, mais il y a déjà la bisbille à l'intérieur même de cette coalition-là. On sait que l'Europe est divisée de par l'Allemagne qui a voté contre l'intervention militaire, alors que l'Allemagne, c'est la première puissance militaire en Europe, outre la Russie, évidemment, mais de l'Europe occidentale, c'est la première puissance militaire et la plus influente côté diplomatique en Europe. Et est-ce que la zone Europe, la zone euro, sera morcelée de par une crise politique que ça pourrait engendrer? La France qui a accepté, l'Allemagne qui a voté contre, qui s'est pas soutenue, a voté contre la résolution. Jusqu'où ça mènera, on verra bien. Ensuite, côté arabe, la Ligue arabe, qui est une ligue qui n'a de nom que son nom, parce qu'ils n'ont aucune influence notable diplomatique sur la zone mondiale, mais eux autres aussi se sont abstenus, puis ont dit « c'est délicat, on ne veut pas trop intervenir », parce que Mouammar Kadhafi, c'est quand même l'ancien dirigeant de la Ligue arabe, là, faut pas l'oublier. Et on a soutenu, on a même voté pour lui, c'est un pays exportateur de pétrole, côté culturel aussi très développé, donc division de ce côté-là. Et sinon, ceux qui ont voté contre aussi, donc je vais juste les énumérer. Au Conseil de sécurité, il y a la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde, l'Allemagne. 5 tout petits pays qui d'aucune envergure de souligner François Brousseau. Donc, ça va être quelque chose. Quand on sait que la Russie, proche allié du monde arabe, la Chine qui a des tentacules jusqu'en Afrique, le Brésil, puissance montante, économie émergente, l'Inde, écoute, une puissance nucléaire, une puissance militaire, une puissance économique, une puissance populaire. L'Allemagne aussi, comme je l'ai résumé, qui, eux, s'opposent. Donc, il y a vraiment division au sein même de l'ONU. Et donc, ces 5 pays-là qui ont voté non, est-ce que c'est stratégique ou vraiment parce qu'ils ont une philosophie de non-intervention? Brousseau soulève quand même une bonne question. Il dit ces 5 pays-là qui ont des pays émergents, donc... on dit, on va laisser faire les colonialistes aller intervenir en Libye, et puis quand la Libye sera à terre, puis qu'ils ne voudront plus rien savoir de l'Occident, à qui ils vont faire affaire? Aux capitaux de qui? Aux capitaux de la Chine, de la Russie, de l'Allemagne, du Brésil et de l'Inde. Est-ce que c'est une stratégie politique, économique? La question est posée maintenant. Toujours en Libye, parce que c'est l'actualité ces temps-ci, les fameux CF-18, on en parlait. Est-ce que tu sais, Alex, là présentement, il y a 6 CF-18 en Libye qui interviennent. Donc, on sait, ce sont des appareils qui ont été mis à jour, upgradés en bon terme, parce que ça date des années d'antan, ça. J'étais même pas né, je pense qu'ils ont été fabriqués. Mais c'est pas là la question. Combien ça coûte pour faire fonctionner une heure de temps? Je dis bien une heure, un CF-18. Mon Dieu, pour une heure de CF-18, j'en ai aucune idée, mais ça doit être assez cher. 12 000 $ par CF-18 par heure. Donc, juste en coût d'entretien, en coût de carburant, parce qu'on sait qu'un CF-18 brûle 1200 gallons d'essence à l'heure. 1200 gallons à l'heure, là, c'est 2 ans pour une voiture qui circule tout le temps. À l'heure? Tout le temps, là. Oui. Ben, pour un CF-18, c'est une heure. Et on sait que pour aller de l'Italie, leur base, jusqu'en Libye, c'est plus qu'une heure de vol. Et il faut qu'ils tournent en rond aussi, à un moment donné, au-dessus de... Donc, c'est plusieurs heures de vol. Mais là, où est-ce que ça en est... Mais ils vont prendre ce pétrole où? En Libye. c'est pour ça qu'il faut faire la guerre des pays qui ont du pétrole. Il faut se ravitailler. Il faut se ravitailler. C'est un cercle, oui. T'as trouvé le mot juste. Donc, aussi des comparaisons. On sait que bon, le Canada, avec son fameux programme de F-35, il veut aller chercher un avion encore plus performant, mais beaucoup plus dispendieux à opérer, parce que c'est quand même la dernière technologie. C'est plus un vieux coucou en plastique que tu peux mettre avec une gomme à mâcher comme dans le temps, là. Non, c'est des avions ultra performants avec comme Alec Gastonguet, t'en avais parlé la semaine dernière, la dernière technologie en frais d'invisibilité. Ça coûte cher entretenir quelque chose d'invisible. Donc, l'équivalent présentement américain, c'est le F-22 américain qui est en circulation. Et lui, combien coûte-t-il de l'heure pour fonctionner? Alors, si un F-18 coûtait 12 000, on imagine que c'est plus. Oui. Donc, on dirait peut-être le double. Alors, 24 000? Rajoute encore le double à ça. Il faut rajouter encore le double. Ça coûte 40 000 $ par heure pour entretenir un F-32. Imagine maintenant le F-35. On ne les a pas encore achetés. Ça a dépassé le budget total. Ça coûtait 65 millions. Là, ça, c'est juste pour l'achat. L'entretien maintenant, le carburant, l'entretien à terre. Donc, ça prend aussi des hommes, des spécialistes pour bien l'entretenir. Ça va coûter au-dessus de 40 000 $ US. Entretenir pour une heure de vol. Ouais, ça commence à faire cher l'heure. Hein? T'imagines-tu, à une heure de vol ici, là, c'est le revenu d'une famille moyenne. Oui, exactement. Si on veut être démagogue, là, c'est ça. Donc, votre revenu annuel avec votre conjoint-conjointe, c'est une heure de vol d'un F-22 américain. Donc, totalement aberrant l'achat des F-35. Veux-tu des bonnes nouvelles? Bon, il était temps. J'en ai une petite. C'est le début de ta chronique que j'attends en ce moment. La bonne nouvelle, c'est fou, vous est présentée ici par Haïti. Oh. Haïti, oui, qui a eu quand même... on a retenu notre souffle jusqu'à la dernière minute. C'était le deuxième tour électoral en Haïti. Donc, la participation a été légèrement supérieure au premier tour, ce qui est fabuleux quand même. Dans un pays qui est plus habitué à la violence qu'à d'autres choses. Donc, 4,7 millions d'électeurs qui devaient aller voter pour Michel Martelly, un chanteur extrêmement populaire en Haïti, ou Mirlande Maniga, une ancienne première dame. Mais là, je fais une parenthèse ici, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias québécois. Qui est Mirlande Maniga? Savais-tu que c'était une ancienne première dame? Bon, je le dis. C'est l'épouse de Leslie François Maniga, ancien président. Ancien PM, premier ministre, pardon, de Haïti et ancien ministre sous Duvalier. Donc, il était ministre des Affaires étrangères alors que Duvalier, dans les années 50, était au pouvoir. Donc, est-ce que c'est quelqu'un du clan Duvalier? On pourrait croire que oui, mais non. La bonne réponse, c'est non. Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle, justement? Non. on pourrait dire c'est une sous-bonne nouvelle. Donc, Leslie Maniga, qui est ancien ministre des Affaires étrangères, mais était plus progressiste que répresseur. Donc, lui avait autorisé les grèves étudiantes, les grèves d'ouvriers, et s'était positionné justement pour une plus grande ouverture d'Haïti, et ce qui avait attiré les foudres du régime de Duvalier. Donc, il était obligé de partir en exil. Lorsqu'il est revenu, il s'est fait élire premier ministre le 7 février 88, mais il a été chassé du pouvoir par un putsch en juin 88. Donc, on s'entend que... Ça n'a pas été très long. Ça n'a pas été très long. L'exercice du pouvoir, assez court. Exactement. Donc, il est reparti en exil pour revenir quand Jean-Bertrand Aristide s'était présenté au début des années 2000. Donc, on voit que Mirlande Maniga, il faut connaître quand même son nom. Il y avait plusieurs rumeurs comme quoi elle circulait. C'était une Duvalière, donc non. Bon, elle se présente pour devenir la première dame officielle de Haïti. Donc, ça, c'est un journal, Le Libération, qui fait un survol. Il dit que dans un pays où la politique et la violence vont souvent de pair, le président du Conseil électoral provisoire, Gaillot d'Orsainville, a pu, sans trembler, annoncer dans la soirée que la démocratie a triomphé, malgré le décès d'au moins deux personnes dans des incidents liés au vote. Donc, il y a quand même eu violence en Haïti, mais le Conseil électoral provisoire a quand même crié victoire là-dessus. Les craintes s'articulaient autour de deux facteurs. L'intervention dans le jeu politique des anciens présidents de retour d'exil, Jean-Bertrand Aristide et Jean-Claude Duvalier, et les fraudes. Mais Aristide et Duvalier ont brillé de par leur absence durant la journée du vote. À savoir qui a gagné, on ne le sait pas encore. Il y a un semblant de huis clos au-dessus d'Haïti. On devra attendre le 31 mars prochain seulement, donc la semaine prochaine, pour connaître les résultats provisoires et non pas officiels. Donc, la commission électorale a demandé aux médias de s'abstenir de publier des résultats partiels au cas où il y ait des débordements de violence. Et la mission de l'ONU en Haïti, la MINUSTA, a exhorté dans un communiqué de presse tous les candidats et leurs partisans à la patience et à la retenue, donnant ainsi un exemple de démocratie. Car c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Reste à voir si Jean-Bertrand Aristide et Jean-Claude Duvalier continueront à garder le silence. Ça reste à voir. 31 mars, résultat provisoire d'Haïti, ça pourrait changer la donne pour ce pays qui a plus que souffert dans sa très courte histoire. Maintenant, de retour aux mauvaises nouvelles. Oh. J'ai pas le choix. Là. C'est l'actualité, habituellement, c'est très rare que juste des bonnes nouvelles. Ça a continué à brasser dans le monde arabe. En Syrie, maintenant, on savait que la Syrie, c'était un régime très stable, très autoritaire aussi. Mais la contestation commence à se faire sentir. La Syrie, pour ceux qui veulent la situer, c'est au nord du Liban et juste à l'ouest de l'Irak. Donc, c'est vraiment dans la région de la Palestine, Cisjordanie, la Turquie. Donc, c'est aux portes de l'Europe, proche de la Russie aussi, de par le Caucase. C'est un régime très stable, en théorie. Mais il y a quand même eu une vague, 6 manifestations en une semaine. Donc, on appelle ça un déferlement. Ça commence à faire plusieurs. Hein? Oui, sauf que là, le peuple... se fait tirer dessus à balles réelles par le régime. Donc, Les informations sortent au compte-goutte parce qu'il y a vraiment une censure médiatique sur ce pays-là. C'est un régime très autoritaire. Restera à voir qu'est-ce qui se passe. Mais il y a eu, proche d'une mosquée, un rassemblement de jeunes avant-hier, donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et il y a eu 6 morts parce que la police a tiré à balles réelles avec des lacrymos et tout ça. Donc, ça risque de brasser là aussi, à moins qu'il y ait une répression sanglante par le régime. Ou qu'on envoie 6 autres F-18. Ça pourrait régler la crise en Syrie. Je suis pas sûr que le Canada irait seul, par contre. Parce que l'armée syrienne, c'est une des puissances militaires de la région. Ah, c'est pour ça que ça prend les fameux F-35. Ah, là, après ça, on va pouvoir être invisible et bombarder des pays comme ça. On verra bien. Et aussi au Yémen. Bon, dernière mauvaise nouvelle de la semaine. Le Yémen, le Parlement a voté ce matin l'état d'urgence dans le pays. Parce qu'on sait que le Yémen n'avait plus de gouvernement depuis quelques jours. Donc là, le Parlement, qui a remplacé le gouvernement, a décrété l'état d'urgence. Donc là, la police pourra faire régner la loi et l'ordre et l'armée pourra intervenir sans problème. Sauf que les manifestants ne veulent pas se laisser taire. Ils ont appelé à une marche contre le palais présidentiel pour les prochains jours. Restera à voir s'il y aura répression sanglante ou victoire du peuple, comme on l'a vu en Tunisie, en Égypte. Et comme on l'avait perçu au début du mois en Libye. Donc, ça reste à voir. Le Yémen aussi, pays très stratégique pour le pétrole, évidemment, pour la situation géopolitique. Restera à voir si là, les Américains vont soutenir ou non, une fois de plus. Aussi le Canada, Lawrence Cannon. Mais ça, on verra ça pendant la campagne électorale au fédéral au Canada. Et ben, en terminant cette chronique, François, j'ai une nouvelle. Tu me diras si c'est une bonne ou une mauvaise. Tu choisiras. Tu peux même partir là-dessus et méditer. Ouais. En fait, les dépenses militaires, on a déposé un budget finalement qui ne sera jamais effectif. Et dans ce budget, qu'en est-il des dépenses militaires? Bon, on sait que dans le document Canada d'abord, qui a été déposé déjà il y a quelques années par le gouvernement conservateur et l'armée canadienne, on prévoit systématiquement hausser le budget militaire chaque année jusqu'à atteindre, là, présentement, il est autour de 21 milliards de dollars, le budget militaire, et on prévoit se rendre jusqu'à 30 milliards à coût d'augmentation. On prévoyait 3-4 % par année jusqu'à atteindre, sur un horizon de 20 ans, 30 milliards de budget militaire. Et bien là, en fait, l'an dernier, à cause de la crise économique, on a choisi de réduire l'augmentation des dépenses militaires. Oh. Alors, l'idée, c'est que ça augmente toujours, mais ça augmente plus lentement. Donc, au lieu de 4 % ou 3 % peut-être qu'on avait 2 % disons. Et là, cette année, dans le budget qui trouvera jamais écho, finalement, on réduit encore l'augmentation des dépenses. Mais ça augmente toujours. Sauf qu'on parle d'une augmentation d'1 % dans le budget. C'est un article de Alec Castonguay dans Le Devoir de ce matin. Et dans le fond, il parle d'une augmentation d'1 % qui porterait le budget militaire, si ce budget était adopté, à 21,3 milliards de dollars. Et dans le fond, l'idée, c'est que l'augmentation des dépenses militaires serait surtout liée au recrutement de nouveaux soldats. C'est là le plus gros poste budgétaire qui va augmenter. Et une diminution aussi de dépenses militaires pour la mission canadienne en Afghanistan, parce que c'est une mission qui coûtait environ, bon an, mal an, 2 milliards de dollars par année aux contribuables canadiens et québécois. Donc, et en changeant la donne de la mission, là, comme M. Harper veut le faire, et dont il y a le cautionnement des libéraux et des autres partis d'opposition, alors le changement de mission qui ferait passer d'une mission plus offensive à Kandahar à une mission qui se passerait dans le coin de Kaboul, où c'est plus de la formation. Et il y a une réduction aussi des effectifs. Là-bas, on diminue le nombre de soldats qu'on envoie. Et pour tous ces changements-là de mission, on s'attendait à une réduction du coût quand même assez substantielle. Et bien, dans le budget qu'on a présentement, on parle de 14 % de réduction au niveau du coût. Alors, un changement de mission, mais pas changement de prix. Parce que sur 2 milliards, 14 %, ça fait environ 300 millions de dollars. Donc, la différence est pas si grande que ça. On reste encore avec une dépense qui avoisine le 1,7 milliard de dollars dans ce qui est prévu dans le budget Flaherty. Ça pourrait être plus parce qu'on l'a pas fait, on l'a pas dépensé. Parce que l'idée, c'est qu'une fois que tu es dans un pays, c'est ça qui coûte cher. Après ça, le nombre de soldats que tu as, tu paies les salaires et tout ça. Mais le fait d'être à l'étranger, d'avoir une mission d'occupation d'un pays comme l'Afghanistan, qui est très loin du Canada, bien, c'est sûr que ça coûte extrêmement cher et ça va continuer de coûter cher. Je me demandais si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. J'ai médité. C'est une mauvaise nouvelle. Tu dis, oui, il y aura diminution du budget, mais augmentation du nombre de soldats. Non, il y a une diminution du nombre de soldats. En Afghanistan, en recrutement, oui, dans sa politique d'élargir les forces armées canadiennes. Mais habituellement, quand on recrute des soldats, c'est pas pour les stationner dans une caserne en attendant qu'il y ait un conflit quelque part. C'est que tu as un plan d'intervention pour grossir les rangs, donc tu veux multiplier les interventions militaires. En théorie, ça fonctionne comme ça. Si tu as 5 000 militaires, puis là, tu en engages 5 000 autres, tu en as 10 000, donc tu peux faire deux fois plus d'opérations. Et on s'entend que ce ne sera pas des opérations de casque bleu, parce que même si on était le plus grand contributeur dans les années 90 au niveau des casques bleus, présentement, le dernier recensement qu'on a de nos casques bleus, c'est 57. Donc, ça rentre dans un petit autobus jaune. On est capable de toutes les mettre là-dedans. Et ça, c'est la contribution canadienne aux missions de paix, de maintien de la paix de l'ONU, alors que des pays comme le Salvador ou comme le Rwanda ou... Le Kenya. Il y a plusieurs pays qui ont beaucoup plus de casques bleus que nous. Alors, les soldats qu'on veut recruter pour les missions canadiennes du futur, dont on ignore encore ça va être quoi, probablement, mais on veut des soldats qui vont être prêts à prendre part à des missions de combat très actives et non pas des casques bleus pour le maintien de la paix, comme c'était le cas dans les années 90. Donc, certainement, ça sera un sujet très discuté, très chaud durant la prochaine campagne électorale qui, on vous l'annonce peut-être pas en primeur, mais on vous l'annonce quand même. Le 2 mai prochain, nous irons très probablement aux urnes pour élire un nouveau gouvernement, un nouveau parlement. Donc, demeurez à l'écoute. Il y aura certainement beaucoup de discussions sur les ondes de C'est fou à ce sujet-là. Sur la politique fédérale, sur le budget à adopter ou non. Est-ce que le budget se transforme en programme politique pour le Parti conservateur? Probablement. Restera à voir qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Et dans le fond, on parlait de dépenses militaires. Après une courte pause musicale, on va entendre Jean-Marc Lard, qui est du Comité de solidarité Trois-Rivières et aussi qui est rédacteur des pages Grands Enjeux dans la Gazette de la Mauricie, qui est un journal distribué à 75 000 exemplaires en Mauricie gratuitement. Alors, on va s'entretenir justement du budget militaire, des dépenses militaires, de ce qui s'en vient, ce sera quoi les enjeux durant la prochaine campagne électorale d'un point de vue militaire. Alors, tout ça et bien plus après cette pause musicale. François Landry? Toujours un plaisir. Ça fut un plaisir et un honneur pour moi, Alice. De faire un tour du monde avec toi encore une fois. Alors, on va entendre une pièce de Arcade Fire et ensuite on revient avec Jean-Marc Lard du Comité de solidarité Trois-Rivières. Vous écoutez l'heure internationale. écoutez toujours l'heure internationale sur les ondes de CIFU, une émission qui est présentée et animée par le Comité de solidarité Trois-Rivières. Alors, on parlait tout juste avant la pièce musicale, on parlait du budget militaire et dans le fond, le budget qui a été déposé hier par le gouvernement Harper et qui probablement, en fait, c'est un budget qui verra jamais le jour puisque le gouvernement risque d'être défait. Si c'est pas sur le budget, ça risque d'être une question de confiance avant. Alors, malgré tout ça, il y a le Comité de solidarité Trois-Rivières qui a fait une conférence de presse cette semaine et j'ai avec moi Jean-Marc Laure du Comité de solidarité Trois-Rivières. Oui, bonjour. Oui, alors vous teniez une conférence de presse cette semaine en fait sur la question tout juste avant le dépôt du budget par le gouvernement Harper. Alors dans votre conférence de presse, vous abordiez la question avec des partenaires régionaux de la question des dépenses militaires. Exact. C'est-à-dire que on a tenu au mois d'octobre dernier un sommet régional sur la question des dépenses militaires à laquelle on avait convié plusieurs organisations de la région pour venir s'exprimer. L'idée étant qu'on leur disait, si on réduisait les dépenses militaires de 1 milliard de dollars, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec ce milliard de dollars-là, finalement, dans votre secteur d'activité? Alors, notre conférence de presse des derniers jours avait pour but de rappeler que le gouvernement conservateur allait fort probablement proposer, là, encore une fois, des investissements assez importants dans les dépenses militaires et que nous, on avait d'autres idées. On trouvait que les Canadiens avaient d'autres priorités que les dépenses militaires et c'est pour ça qu'on a fait cette conférence de presse-là. Alors, la conférence de presse, en fait, visait à proposer des alternatives en disant si on réduit le budget militaire, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent? Mais lorsqu'on parle de réduire, vous voulez réduire le budget militaire, mais de combien, de quel ordre? Actuellement, le budget militaire canadien, si on prend avec le budget d'hier, c'est un peu difficile de savoir encore les chiffres, de décortiquer ça, mais on sait que c'est à peu près 23 milliards de dollars cette année selon des chiffres obtenus par le Centre canadien de politique alternative. Donc, 23 milliards de dollars là, en 2010-2011, là, selon les projections de cette organisation-là, qui sont consacrés à des dépenses militaires. Donc, dans une optique où actuellement on assiste à une escalade des dépenses militaires depuis plusieurs années. En fait, ça avait commencé avec les libéraux de Paul Martin, mais ça s'est accéléré vraiment à un rythme d'enfer avec l'arrivée au pouvoir de Stephen Harper. On a passé, disons, d'un sommet historiquement bas de 11,3 milliards de dollars en 97-98. À un sommet historiquement haut cette année à 23 milliards de dollars. Nous, ce qu'on dit, c'est que, étant donné les priorités des Canadiens, actuellement, si on fait des sondages, les Canadiens demandent qu'on réduise les dépenses militaires, ils demandent que nos soldats participent seulement à des missions de maintien de la paix, comme on le faisait auparavant. Dans le fond, la raison, c'est bien simple, c'est qu'actuellement, les Canadiens, finalement, on a un taux de chômage qui est anormalement élevé. On sort d'une crise économique. On avait annoncé qu'on abolirait, pas qu'on abolirait, mais qu'on ferait en sorte qu'il n'y ait plus de pauvreté au Canada pour les enfants en l'an 2000. On est en 2011 et il y a encore un enfant sur 10 au Canada qui vit dans la pauvreté. On a réduit les budgets alloués aux organismes de femmes. On a encore des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de personnes qui sont analphabètes complets ou analphabètes fonctionnels au Canada. Enfin, bref, ce que les Canadiens veulent, c'est surtout avoir des emplois de qualité. Ils veulent avoir des services sociaux qui permettent à tous et à toutes de vivre dans des conditions qui sont minimales, si on veut, là, qui permettent aux gens de vivre dans la dignité. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que abolissons pas, on n'est pas encore rendu à demander une abolition complète là, du budget militaire. Je pense qu'on a besoin d'une armée pour des besoins de base. Mais à l'époque, en 97-98, l'armée canadienne contribuait à des missions de l'ONU, maintien de la paix, sous l'égide des casques bleus, et le budget militaire canadien était à cette époque-là de 11,3 milliards de dollars. Alors nous, avec les organisations avec lesquelles on a fait la conférence de presse, ce qu'on demande, c'est qu'on entame un large débat public dans la population pour déterminer c'est quoi le rôle qu'on veut donner à l'armée canadienne. Est-ce que c'est un rôle offensif comme actuellement? Nous, on pense que ce serait plutôt le contraire. Une majorité de Canadiens, selon les derniers sondages, 84 % de Québécois d'ailleurs, qui demandent à ce que l'armée canadienne revienne à des missions de paix comme auparavant, qui sont beaucoup moins coûteuses. Donc, on demande ça, premièrement, un large débat public pour déterminer le rôle de l'armée canadienne et ensuite le budget qui serait nécessaire. Et comme base de départ, notre deuxième revendication, c'est qu'on baisse tout de suite ce budget-là à 11,3 milliards, donc à ce qu'il était en 1997-98. On sortait de la guerre froide à cette époque-là, donc on a fini les grosses dépenses et on fait que des missions de maintien de la paix. Donc, c'est un peu ça qui sont nos demandes au gouvernement. On trouve que les priorités du gouvernement fédéral actuellement sont mal placées. On trouve qu'elle ne reflète pas les besoins de la population canadienne et surtout les volontés de la population canadienne. Alors, l'idée, c'est de diminuer le budget des dépenses militaires au niveau du gouvernement et avec l'argent qu'on sauve, là, donc si, advenant le cas où on réduisait à 12 ou 13 milliards, par exemple, on aurait 10 milliards entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 10 milliards-là? Y a-t-il des propositions sur la table? Il y en a énormément. Puis, évidemment, on parle pas de peanuts, là. On parle tu l'as dit tout à l'heure, on parle d'une dizaine de milliards de dollars facilement, là. Si on revient à un budget qui ressemble à celui qu'on avait en 97-98, c'est vraiment énorme. L'idée est celle-ci, c'est qu'on pourrait, les propositions finalement qu'on a eues, c'est qu'on pourrait créer énormément d'emplois avec ça. Actuellement, on a un taux de chômage élevé et ça serait possible de créer beaucoup, beaucoup d'emplois avec ça. L'argument qu'on nous sert du côté de ceux qui ont un discours un peu plus militariste, c'est celui de dire que, justement, le fait d'investir dans les dépenses militaires va créer de l'emploi, va être bénéfique pour l'industrie au Canada. Nous, ce qu'on rétorque à ça, c'est que les études prouvent qu'on peut créer 5 fois plus d'emplois dans le secteur civil que dans le secteur militaire. Par exemple, si on a le 10 milliards de tout à l'heure qu'on voudrait économiser en dépenses militaires, au lieu de l'investir en dépenses militaires, si on l'investit en dépenses civiles, on créerait 5 fois plus d'emplois. C'est vraiment énorme là, comme impact économique au Canada puis sur la qualité de vie des gens. On pourrait, parmi les autres idées qu'on a eues, c'est investir dans l'éducation. Ce serait très, très, très facile seulement avec, par exemple, prenons simplement les avions F-35 que le gouvernement canadien veut acheter. On a calculé que le directeur parlementaire du budget à Ottawa, M. Kevin Page, a calculé que sur 30 ans, si on calcule le coût d'achat et le coût d'entretien de ces avions-là, qui sont très, très, très sophistiqués, c'est 450 millions de dollars par appareil que ça va coûter. On veut en acheter 65 de ça pour un coût qui frôle 30 milliards de dollars. Si on prenait un seul de ces appareils-là qui vaut 450 millions de dollars, donc en comptant l'entretien sur 30 ans, on pourrait régler actuellement tous les problèmes de sous-financement des établissements post-secondaires au Québec, donc les collèges puis les universités du Québec. Avec un seul de ces appareils-là, on règle tous les problèmes de nos cégeps et de nos universités. Donc, c'est pas rien. Donc, investir, nous, ce qu'on dit, c'est que on peut investir, on a tout avantage à investir dans l'éducation puis la réduction des frais de scolarité. Il y a des organisations qui travaillent dans le domaine de la santé qui nous ont donné, qui nous ont pisté sur des possibilités d'augmenter le maintien à domicile, qui est une façon qui est moins coûteuse, si on veut, d'envoyer les gens finalement en institution. Donc, actuellement, on rétorque qu'on n'a pas d'argent, finalement, pour investir dans le maintien à domicile. Mais si on prenait 1 milliard ou le montant d'un F-35 ou 10 milliards, comme on disait tout à l'heure, si on ramène ça au montant de 97-98, je pense qu'on n'aurait pas vraiment de problème à investir dans le maintien à domicile là, en santé partout au Canada. On pourrait également augmenter le niveau d'aide au développement dans les pays en développement. Le Canada, qui est dans le club select des 20 pays les plus riches au monde, membre de l'OCDE, s'était engagé il y a longtemps de ça à consacrer 0,7% de son PIB, le produit intérieur brut, à l'aide au développement des pays les plus pauvres, c'est-à-dire réduire la pauvreté dans le monde. Et actuellement, on en consacre à peine 0,28%. Donc, on est vraiment loin du compte là à ce niveau-là. On respecte pas nos engagements. On pourrait construire aussi des logements sociaux. Actuellement, on a vraiment une pénurie en termes de logements sociaux au Québec. Il y a beaucoup de gens qui peinent actuellement à pouvoir se loger, qui doivent consacrer une part beaucoup trop grande de leurs revenus à se loger. Et avec avec, si on prenait encore l'idée du F-35, là, qui, rappelons-le, va coûter 450 millions de dollars en comptant l'atrophie, là, avec un seul F-35, on pourrait construire 7000 nouveaux logements sociaux. Donc, de quoi régler une bonne partie des problèmes de logement social au Québec, en tout cas. Et là, on n'a pas de fin. On avait des organisations qui travaillaient dans le domaine de la violence faite aux femmes ou de la violence tout court. Et là, on avait des idées d'organisations qui nous disaient on pourrait mettre sur pied des campagnes de prévention de la violence dans les écoles. On pourrait mettre des campagnes de prévention dans les écoles pour favoriser l'accès, les mêmes chances ou l'égalité finalement entre les hommes et les femmes, parce que ça commence dès l'école souvent, les genres de comportements et de culture. La réduction de travailler activement sur l'analphabétisme, parce que on se rend compte actuellement, les études démontrent que 98% des enfants qui vivent avec des parents qui sont analphabètes fonctionnels ou complets vont eux-mêmes devenir analphabètes fonctionnels ou complets par la suite. Donc, on a urgence à travailler de ce côté-là pour enrayer enrayer le mouvement, là, si on veut. Finalement, on se rend compte que les besoins qu'on a ont très peu à voir avec des F-35 ou avec des missions d'engagement militaire à l'extérieur du Canada. Les besoins, finalement, ils sont la création d'emplois ici, des salaires de qualité, des services sociaux de qualité, un accès à l'éducation, des accès à des services de santé de qualité et la réduction de la pauvreté ici, mais également dans le monde. Alors, votre message, en fait, c'est dire, en mettant l'argent dans le budget militaire, on prive le Canada de plusieurs de ces initiatives que vous venez de nommer, de plusieurs emplois, de stimuler économique, de plein de choses comme ça. Oui, puis c'est vraiment une question de choix que le gouvernement fait, et ces choix-là ne sont pas ceux de la population. Je l'ai dit tantôt, quand on fait des sondages depuis plusieurs années, on en a listé plusieurs, la majorité des Canadiens et des Canadiennes, les Québécois, c'est encore dans une proportion un peu plus forte, eux, ce qu'ils nous disent, c'est on veut une réduction des dépenses militaires, on veut revenir à des missions de maintien de la paix, comme on le faisait auparavant, qui sont beaucoup plus rentables d'un point de vue humain, qui sont beaucoup moins coûteuses d'un point de vue financier, et ce qui nous permettrait d'aller chercher des montants d'argent économisés qu'on pourrait réinvestir ici pour combler les besoins sociaux qu'on a ici au Canada. Et là, c'est pas une surprise, en fait, dans le prochain mois, au mois d'avril, on risque d'aller en élection. Exact. Et c'est quoi les enjeux chauds par rapport au budget militaire? En fait, si des auditeurs voudraient questionner leurs députés, questionner des candidats ou même écrire des lettres. C'est quoi les enjeux chauds là, au niveau des dépenses militaires? Ce qu'il faut éviter de se faire... il ne faut pas se faire embarquer finalement avec l'argument de la création d'emplois. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un argument, l'argument principal, si on veut, de ceux qui sont en faveur des dépenses militaires actuellement, c'est de dire que ça va créer de l'emploi. Ça, il faut vraiment aller questionner les candidats qui vont se présenter aux élections bientôt en disant... C'est quoi votre position sur la question des dépenses militaires, sur le rôle aussi de l'armée canadienne? Actuellement, est-ce qu'on veut une armée canadienne qui va participer à des missions de combat ou est-ce qu'on veut une armée canadienne qui va participer à des missions de maintien de la paix? Et parce que le budget va avec, évidemment, c'est deux budgets qui sont complètement différents. Il faut vraiment questionner les candidats qui vont se présenter aux élections en leur demandant ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire si on les élit. Si on les élue comme députés. Alors, l'enjeu, c'est celui-là. C'est un enjeu qui peut paraître banal, la question des dépenses militaires, mais c'est un enjeu qui concerne vraiment des montants astronomiques. Investir dans les dépenses militaires, dans des missions de combat à l'étranger, c'est se priver de montants d'argent très, très, très significatifs pour régler d'énormes besoins sociaux qu'on a ici même. Donc, on invite la population à aller écouter les discours, les débats des différents candidats aux élections et à aller poser ces questions-là. Que pensez-vous faire avec l'armée canadienne? Quel est le rôle que vous allez lui donner? Et quel montant allez-vous allouer aux dépenses militaires si vous formez le prochain gouvernement? Eh bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Eh bien, c'était Jean-Marc Laure du Comité de solidarité Trois-Rivières et un des rédacteurs des pages Grands enjeux dans la Gazette de la Mauricie. Alors, les Grands enjeux se publient chaque mois là, dans le journal La Gazette de la Mauricie, qui est un journal distribué directement dans à peu près 50 000 portes dans la région de Trois-Rivières et des environs, et sinon partout en Mauricie, là, dans les caisses populaires, dans les épiceries, dans plein d'endroits. C'est un journal qui est gratuit, en fait, et qui est un journal communautaire. Et même, c'est le plus gros journal communautaire au Québec. Alors, on l'a Mauricie. Et à l'intérieur de ce journal, les pages centrales, deux pages couleurs à chaque mois, les grands enjeux. Un enjeu comme celui, dans les derniers mois, on a pu lire sur justement le budget militaire, les dépenses militaires, les projets d'achat et les dernières pages grands enjeux qui viennent tout juste de sortir la semaine dernière sur le monde arabe qui se libère. Et on continue comme ça. Donc, chaque mois, un nouveau thème dans les grands enjeux. C'est à suivre. Alors, pour ceux qui ont entendu l'entrevue avec M. Jean-Marc Lard du Comité de solidarité Trois-Rivières et qui, eux aussi, considèrent que le Canada met beaucoup trop d'argent dans les dépenses militaires par rapport aux autres secteurs où ils pourraient dépenser cet argent, je vous invite à aller visiter le site www.stopponslesdépensesmilitaires.com. Sur ce site, vous allez trouver notamment une pétition où vous pouvez signer. Et comme M. Lard en parlait tout à l'heure, on demande en fait la réduction du budget militaire pour que le Canada puisse protéger son territoire, participer à certaines missions valables de l'ONU, mais qui n'est pas toute la quincaillerie dont on veut se doter présentement, qui ne maintienne pas non plus une force aussi offensive qu'on voudrait et que le rôle de l'armée finalement soit complètement modifié. Alors, c'est sur stopponslesdépensesmilitaires.com. Sur le même site, vous trouverez une revue d'actualité mise à jour quotidiennement par ceux qui administrent le site. Aussi des outils, en fait, pour faire campagne. Alors, de l'information, des argumentaires, des dépliants, des affiches. Alors, beaucoup de matériel sur stopponslesdépensesmilitaires.com. Dans un autre ordre d'idée, si vous voulez toujours naviguer un peu sur le web et vous renseigner sur des campagnes qui sont menées présentement au Québec, au Canada, ailleurs dans le monde, la campagne Bateau Gaza. Alors, Bateau Gaza, vous connaissez la bande de Gaza qui, en fait, c'est un territoire qui est palestinien, qui est occupé par Israël. En fait, il y a un blocus. Donc, Israël ne permet pas qu'on apporte de l'aide humanitaire ou des choses comme ça aux résidents de la bande de Gaza. Et une flottille humanitaire s'organise. Alors, il y a plusieurs pays, là, je crois que c'est une vingtaine de pays dans le monde, une quinzaine de navires qui vont essayer de, dans le fond, forcer le blocus ou du moins passer le blocus. Leur but, c'est de se rendre avec, et la flottille, là, c'est une quinzaine de bateaux, et qu'on remplit avec le plus de matériel humanitaire possible. Donc, des vêtements, des vivres, des médicaments, tout ce qui manque dans la bande de Gaza, et il manque d'à peu près tout. Alors, on remplit le bateau de tout cela, et l'idée, c'est qu'il y a une quinzaine de navires qui vont essayer de se rendre jusqu'à la bande de Gaza pour distribuer le matériel humanitaire. Maintenant, plusieurs s'en rappellent, l'été dernier, une flottille similaire à celle-là a été mise sur pied, encore une fois internationale, avec des pays, un peu de tous les pays, et ça avait mal viré, parce que les forces israéliennes avaient décidé de ne pas laisser passer les bateaux, et ils avaient fait intervenir l'armée. On a vu les images là, sur tous les postes de télé, dans tous les journaux, les hélicoptères israéliens et les soldats qui tirent sur l'équipage des bateaux. Et l'équipage des bateaux, il faut comprendre, là, c'est des militants pacifistes, c'est des journalistes, c'est des personnalités publiques. Donc, c'est pas du monde qui vont là pour chercher la guerre. C'est pas du monde qui s'en vont se battre. De toute façon, ils n'auraient pas l'équipement ni la formation pour rivaliser avec l'armée israélienne qui est financée à grands coups de dollars américains depuis plusieurs années. Donc, c'est une armée qui est très puissante au Moyen-Orient. Et je veux dire, ça serait loufoque de penser qu'une flottille composée de militants humanistes peuvent tenir tête à une telle armée. Donc, et ça avait fait des morts. Le message était clair. En fait, on ne voulait pas d'une initiative comme celle-là. Et ça a été condamné de bord en bord, partout dans le monde, cette intervention-là musclée par Israël contre la flottille qui n'a pas réussi finalement à se rendre jusqu'à la bande de Gaza pour aller délivrer son matériel humanitaire. Et même du bout des lèvres par le gouvernement canadien, donc Lawrence Cannon et Stephen Harper, qui du bout des lèvres ont dit que peut-être Israël est allé un peu fort sur ce coup-là. Alors, pour que le Canada soit rendu à dire quelque chose comme ça, c'est allé très fort. Eh bien, ils n'ont pas froid aux yeux. Ils retentent l'expérience. Alors, il y aura un équipage sur les 15 bateaux. Un des bateaux sera canadien. Et composé d'un équipage là, avec des, des gens de partout au Canada. Alors, des militants pacifistes, des personnalités publiques, des journalistes seront à bord avec, pour aller délivrer du matériel humanitaire à la bande de Gaza. Le bateau devrait partir vers la fin mai. Donc, on parle présentement là, de 30-31 mai ou en tout cas, du moins vers la fin du mois de mai de cette année, de 2011. Et vous allez pouvoir suivre l'aventure Bateau Gaza alors sur canadaboatgaza.org. Et si vous allez dans Google, vous tapez Bateau Gaza Canada et c'est le premier lien qui sort, vous allez pouvoir faire un don pour financer la flottille canadienne en fait, et le matériel qu'on met dedans, le bateau, etc. Et vous allez aussi bientôt dans les prochaines semaines, dans le prochain mois, on va commencer à révéler qui sera l'équipage. Alors, il risque d'y avoir quelques personnalités connues puisqu'il risque d'avoir peut-être une dizaine de personnalités québécoises à bord de ce bateau. Alors, on vous invite à aller voir régulièrement le site de canadaboatgaza.org pour pouvoir suivre finalement l'aventure. Et lorsqu'ils seront en mer, vous pourrez continuer aussi à en entendre parler sur le site et via leur communication parce qu'ils vont pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et en terminant, le projet Trois-Rivières-Ville équitable. Alors, c'est un projet qui est mené par le comité jeunesse du comité de solidarité Trois-Rivières et qui vise à ce que Trois-Rivières obtienne sa certification Fair Trade équitable, comme d'autres villes l'ont fait, notamment Sherbrooke au mois de février dernier qui a obtenu sa certification équitable. Alors, Trois-Rivières tente le même coup. L'idée, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'établissements, par exemple des épiceries, qui ont besoin d'avoir, par exemple, deux ou trois produits chacun spécifiques dans l'équitable. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'entreprises aussi qui embarquent dans le projet en disant que ben, pour eux, il y a au moins deux produits équitables pour commencer dans leur entreprise. Même chose avec les commissions scolaires, avec les écoles, avec le conseil municipal. Et éventuellement, le soutien populaire aussi va être évalué lorsqu'on va faire la demande pour avoir une certification équitable pour la ville de Trois-Rivières. Alors, vous pouvez aller sur Facebook. Il y a une page Trois-Rivières Ville équitable. Alors, on vous invite à cliquer « J'aime », à devenir membre du groupe, à contribuer, à vous informer et à voir si dans votre milieu, est-ce qu'il y a au moins deux produits équitables, donc disons le café, le sucre. Sinon, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez passer notamment par l'organisme Concept à Trois-Rivières pour obtenir de tels produits ou même sur la page Facebook directement de Trois-Rivières Ville équitable. Il y a plein de conseils qui vont avoir lieu là pour nous dire comment faire pour que son milieu devienne un milieu équitable et que Trois-Rivières obtienne sa certification comme plusieurs autres villes dans le monde l'ont fait et Sherbrooke notamment très récemment. Alors, ça conclut l'heure internationale. On a fait un tour du monde en 60 minutes ensemble. Alors, je m'appelle Alexandre Gauthier et j'animais cette émission pour le Comité de solidarité Trois-Rivières. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste.